Et voilà, j'espère que tout le monde m'entend. Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Bonjour. J'annonce en français ou non? Si tu veux, en anglais, j'ai l'habitude de le dire. Toi, tu le dis en français. Je suis en français? Oui, si tu veux. Oh, bonsoir! Vous êtes à l'écoute KFAI, la radio sans frontières, 190.3 FM pour Minneapolis, 106.7 FM pour Saint-Paul, la radio sans frontières, et notre émission est Bonjour Minnesota. Et alors, ok, ça va Karine, j'ai bien fait, oui. Ça va très très bien, oui, merci. You are listening to Fresh Air. J'entends pas moi avec ça. C'est parce que ça ne marche pas les écouteurs. Changez. Change, il faut changer. Allez, autre. Change écouteurs. On a des écouteurs qui sont un peu cassés. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis, and 106.7 FM St. Paul. Radio without boundaries. J'entends rien, j'entends pas. Oh, ça fait rien. Tu peux écouter là. Ensuite, alors moi je vais là-bas. Ça fait rien, par exemple. Tu peux l'écouter là-bas. Ah, il fait un temps magnifique et on a vraiment la chance. Je t'entends hein? Pas du tout. Je t'entends pas du tout. Enlève-les, tu n'en as pas besoin. Mais même sans écouteurs, je t'entends pas. Ça fait rien. Ça fait rien. Faut lire sur les lèvres. Bah oui, mais. C'est pas facile. Je donne des ordres, faut bien que je le calme. C'est vrai, c'est vrai. Je vais les traduire. Oui, c'est. Ça me fait tout drôle, moi. Je croyais que j'ai l'habitude des écoutes. Non, on n'en a pas besoin. C'est vrai que c'est une soirée magnifique. Le temps, il fait très très beau. Il faut en profiter. Et est-ce que vous avez remarqué les deux? Have you noticed all the beautiful leaves, the falling leaves? Oui, oui, oui. De très très belles couleurs. Je peux mettre là où c'est quel numéro. Oui, ça va, c'est bien. Ça ira. Mm-hmm. C'est quel numéro ça? Numéro 3. Je ne sais pas. Je vais jouer d'abord la musique et puis on va arranger ça, Louise. Alors, puisqu'il fait tellement beau, on va écouter une chanson d'Yves Montand, Les Feuilles Mortes. Ah bon? Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte. Dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants. Called the autumn leaves. The words are completely different in French from different from the English version. Well, it's it was written by Joseph Cosmo. Well, I know Cosmo. If you don't mind my reminiscing, one year my husband and I sang that on stage. He sang it in English and I sang it in French. And I remember, I thought the lyrics in English were good, though. They were close enough to the original. Very different. Yeah. No, I don't think they were that different, as I remember. Anyway, it's a beautiful song. I love it. And I like the title in English, Autumn Leaves. If you translate it from the French, you'd say the dead leaves, and that wouldn't be very pretty. Yeah, c'est triste. People would not. The dead leaves. That wouldn't sound. The autumn leaves are. Yeah, it's more romantic. Sometimes, you know, you have to adapt it, the translation. Yes, I agree. Here I go again in my comment. Well, let me to introduce all of you. This is Bonjour Minnesota, and we have a couple of sometime people here, but we're pleased to have both of you here tonight. Louise Dillery. Oh, Louise. Bonsoir. Oh, I haven't been here for so long. I feel like a stranger. And you're Caril, aren't you? Yeah, you're going to tell. Fred Posine, Frédéric, qui est français aussi. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Oui. Et un plaisir de vous recevoir tous les deux. Oui, parce qu'autrement, elle serait toute seule, la pauvre Caril. Ah oui, oui, non, il a fallu. Elle se parlerait, elle, toute seule, elle commencerait à. Il a fallu appeler deux Parisiens en renfort. Bah oui, elle a besoin de nous, quoi. Ça, c'est vrai. Mais elle a vécu à Paris, elle a été très parisienne pendant longtemps, hein, Caril. Plus ou moins. Oui, oui, quand tu étais jeune. On était jeune, mais oui. Il y a pas longtemps. Dans le 14e. Mm-hmm. Oui. Ah, vous voyez, elle est ancienne parisienne, comme vous et moi. Hein. Oui. Pas de naissance. Alors, Louise, on sait qu'elle est de la région de l'île de la Cité. Qui, Dena? Non, toi? Moi, j'habitais le 14e quand j'étais à Paris. Ah oui, tu habitais dans le 14e. D'abord oui. À la Cité universitaire et ensuite à côté du parc Montsouris. Ah oui, oui. Et toi, c'est un joli parc. Moi, j'ai grandi dans le sentier, à côté de la rue Montorgueil. Ah, à côté de la rue Montorgueil. Oh, c'est là qu'il y a tous les fabricants de. Oui, ça, je crois que ça a changé un petit peu quand même. Il y en a c'est un peu différent moins maintenant. Ouais, il me semble. Oui. À l'époque, quand je grandissais, il y avait beaucoup de camions qui livraient tout le temps. C'était Alors que maintenant, c'est piétonnier, c'est beaucoup plus calme. Ils ont tellement changé les choses. Mais après ça, sur le coup des 11 ans, je suis allé aux Halles, dans le premier arrondissement. Quand les Halles, maintenant, ce n'est pas les Halles comme autrefois. Non. Vous êtes trop jeune pour vous rappeler les Halles d'autrefois. Non, moi, quand j'ai grandi, c'était un trou. C'était déjà démoli. Les Halles sont parties en 68 et je crois qu'ils ont commencé les travaux pour le centre commercial dans le milieu des années 70. Ah oui, oui, donc, j'avais oublié la date, oui. C'est plutôt un chantier. Moi, je me souviens d'anciennes halles, oui. Mm-hmm. Mon père et mes grands-parents ont vécu juste à côté. C'était beaucoup plus pittoresque. Maintenant, il ne reste plus rien des anciennes halles. Il y a encore quelques restaurants. Il y a la Tour Montlhéry, il y a le Pied de Cochon. Il y a encore quelques restaurants, mais c'est... C'est pas pareil. C'est plus aussi courant. Mais c'est plus... propre, c'est plus sanitaire. Plus touristique. Ils ont fait pas mal de travaux pour les refaire récemment. Donc là, ça fait quatre ans que c'est, ouais. c'est encore un beau chantier. Ouais. Je crois qu'ils sont en train d'en voir la fin. Là. Et si je me rappelle bien, il y a une belle bibliothèque. Hein. Elle marche bien. La nouvelle bibliothèque. Quand ils ont commencé le nouveau, comment ça s'appelle maintenant? Ils ont refait récemment, ils ont refait la canopée. Ah bon. Et donc ils ont réinstallé une bibliothèque. Avant il y en avait une, il y avait la bibliothèque des enfants. Oui, elle était bien là. Oui, moi j'aimais beaucoup. Enfin, j'y allais souvent avec l'école et c'était chouette. Mais. Et curieusement, vous avez assisté au même lycée, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors ça, c'est formidable. Avec juste quelques années d'écart. Ah, oui. Plus ou moins. Plus ou moins. Le lycée Victor Hugo. Le lycée Victor Hugo, ça, alors, c'est formidable. Je vais téléphoner à mon amie Ginette demain, je vais dire. Tu ne peux pas t'imaginer qui j'ai rencontré maintenant. Alors, ça, c'est formidable, oui. C'est dans le même bâtiment que... Oui. Je connais une jeune femme. Chez Victor Hugo, est-ce que je devrais dire ça en anglais ou quoi? Au lycée, Fred et moi, it so happened, we went to the same lycée. Mm-hmm. And our listeners, do they know what the difference? A lycée is a high school, but it's a high school that ends with a difficult baccalauréat exam, which is a key to any university in France, right? First university. That's the difference between an American high school and a French lycée. And it's an exam. In my day, it was all girls. Mm-hmm. Now, Monsieur Fred, now, of course, it's co-ed. Mixed. But I know a young woman... I've mentored, she's wonderful. She and her husband often go back to France and to Paris in particular. They adore France and Paris. And she knows a man in Paris who works with the government. And thanks to him, she was able to go inside our lycée and she took pictures. Oh, c'est bien. Nice. If I had known that I was going to meet you tonight, I would have brought, I put them in a little album. And if I see you, when I see you again, I'll make it a point to bring. She took terrific pictures of the inside of the lycée. Mm-hmm. And so the lycée is still in use. Yeah. You know what is nice? And I don't know if it was already in a hall. When you go in, you know, it's called Le Hall in French. And on the walls, there are plaques of mentioning the girls who were deported. Oh, I thought it was just my classmate, Esther Zeps, who disappeared one day and she and her family never came back and she was adorable. And on that plaque, thanks to those pictures that this young woman took for me, there's the names. There were others beside my classmate. Yeah, lately the past... Did you see that? You must have seen that plaque. I have not, because when I was... Actually, I was in junior high in, like, a different building in Rue Barbette. So you never saw the plaque? Well, I was going there for lunch, and we were going there for some things, but not really... So the plaques don't ring a bell, but... Maybe they were not up there on the walls yet? It's possible, too. My mom is... she's an official elected for the first arrondissement. Oh. And the past five, 10 years, they've been increasingly trying to do this kind of plaque, trying to bring up, trying to find the names of the people, and especially the kids. And in the Lycée Victor Hugo, there's also a plaque about a teacher who was Mademoiselle René Lévy. She was Jewish, but she had converted to Catholicism. She was a very devout Catholic, and she taught Latin, Greek, and all. So I personally didn't have her as a teacher, but she was in the underground, and she was caught. And there's a plaque about her on a wall with a picture and described how the Germans caught her, and she was executed, decapitated. And she was very... You know, you would have not noticed her in a crowd of three. You know what I mean? kind of beige gray, the kind you don't notice, you know. Yeah. And she was a real heroine. And so our Lycée Victor Hugo has quite a history, you know. Yeah, I will try to stop by next time. Well, next time you go to Paris on a visit, make it a point to go. I will. And look inside, you'll see. Well, and for our friends, auditors who visited Paris or maybe will visit Paris, this Lycée Victor Hugo is just next door to one of the big museum called, it's not as big in size as some of the other, but it's called the Musée Carnavalet. Oh yeah, we used to go to the Musée Carnavalet often, my friends and I. Right next door, and it's a music that specializes in the city of Paris, so yeah. You get artifacts and paintings and statues. Didn't you used to go in there often like we did? No? Not maybe as much, but... We did often, you know, when we had time after school. Yeah, no, I was... And otherwise, the Place des Vosges on the other end. Yeah, it's a very beautiful close. Place. Well, you know, Caryl knows all that. She knows. I was there last September, not this... year, but the year before. And anyway, we're reminiscing here. In the meantime, we're not playing songs. Mais, is somebody calling? Non, il y a une annonce. Oh, une annonce. Oh, excusez-moi. J'allais pour l'annonce. This music makes me dance. Have you heard the story of the village that couldn't stop dancing because of the lively music? Oh, yeah? You can be in this folktale at Dance the Balkan Way Festival on October 21st and 22nd at the Roseville Lutheran Church. We will teach you how to dance and even allow you to try the food. Where can you learn more? More information for Dance the Balkan Way at kfai.org/Balkan Jamboree. Alors, puisqu'on parle de Yves Montand, on va... Tu as annoncé, tu veux que j'annonce à Paris? Oui. Mm-hmm. Je l'annonce de Yves Montand, oui. Alors, on va écouter Yves Montand qui va vous chanter... À Paris, de son album, Le Musical à la Française. Moi, j'aime bien Yves Montand. De Marc à Paris. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment. À Paris, au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent. Nonchalant, car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où il y a encore l'agent. Des taxis au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin. Au café, il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux. À la Seine, et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer au caravel sur la Seine. pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier. Oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Là, l'ennui à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour, font des tours et des tours à Paris. You heard Yves Montand there with Paris, a very great number. Maintenant, on va entendre trois chansons. La première de Daniel Lanois. Ah, je croyais que c'était Carl Bonny. Non, c'est une liste différente. Ah bon? Oh, pardon, excusez. Mais j'ai choisi cette chanson parce que je savais que vous alliez venir. Donc, c'est Jolie Louise. Sans blague. Non. Oh, bah alors là. Après, il y a Louise Attaque, Les Nuits Parisiennes. On reste dans les Parisiens. Et Noir Désir, Un jour en France. Ah, oh, qui est-ce qui chante ça? Noir Désir. C'est un groupe. C'est un groupe. C'est un groupe qui existe. Qui s'appelle Noir Désir. Oui, c'est un groupe qui était assez populaire dans les années milieu des années 90 et qui s'est séparé une fois que le chanteur s'est fait emprisonner pour avoir tué justement la fille d'Yves Montand. Il a. Sans blague. Un homme et une femme. Qui c'était celui qui a joué ça? Oh. Comment je t'entends pas, moi? Je t'entends pas du tout. Hein. Ben, tu m'entends maintenant? Ah, maintenant. Voilà. J'espère que les autres... Trintignant. Désolé. Trintignant. Marie Trintignant. Ah, Marie Trintignant. Trintignant, c'était un grand acteur. Oui, alors c'était sa fille qui a été tuée. Oui. Le chef de ce groupe qui s'appelle Noir Désir. Donc du coup, il a passé des années en prison. En prison ? Non, il est sorti de depuis. Mais qu'est-ce qu'ils sont combien alors ce... Ils étaient quatre. Quatre et ils chantent, ils jouent des... Ils chantent, ils jouent des instruments. Et là, je crois qu'ils ont refondé un nouveau groupe aussi. C'est eux qui vont chanter maintenant ? Oui, ça sera la troisième chanson. Il y aura d'abord Daniel Lanois, ensuite Louise Attaque et ensuite Noir Désir. Ah, ok. Je suis prête. Ma jolie, how do you do? Mon nom est Jean-Guy Thibault Leroux. I come from east of Gatineau. My name is Jean-Guy, ma jolie. J'ai une maison à La Fontaine, where we can live if you marry me. Une belle maison à La Fontaine, where we will live, you and me. Oh, Louise, oh, ma jolie Louise. Tous les matins au soleil, I will work till work is done. Tous les matins au soleil, I did work till work is done. And one day, the foreman said, Jean-Guy, we must let you go. Et puis mon nom est pas bon at the mill anymore. Oh, Louise, I'm losing my head, I'm losing my head. My kids are small, 4 and 3. Et la bouteille, she's mon ami. I drink the rum till I can't see. It hides the shame Louise does not see. The carousel turns in my head, and I can't hide. Oh, no, no, no, no. And the rage turned in my head, and Louise, I struck her down, down on the ground. I'm losing my mind, I'm losing my mind. En septembre 63, kids are gone. And so is Louise. Mon patio did it go near la ville de Toronto. Now my tears, they roll down to remember the days and the promises that we made. Oh, Louise, ma jolie Louise, ma jolie Louise. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, je vis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées belles à sienne, et vivre au vent, à feu, à sang, m'ouvrir au sentiment. Commencer par voir si l'amour va s'en plein, et si Lucien, il a perdu son chagrin. Je voudrais t'emmener au-dessus d'un volcan, brûler mes os, faire transpirer mes sentiments. Et je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées brésiliennes, et t'emmener haut, te saluer bas, chanter des chansons, chanter tout bas notre amour pour les quatre saisons. Commencez par voir si c'est pour aujourd'hui, ou bien tout ça si c'est pas compris. Je voudrais bénéficier de ton absence, je voudrais savoir pour ce soir. Et je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées brésiliennes. Mais moi je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belles à sienne. Je voudrais vivre des soirées belles à sienne. Je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belles à sienne. Moi je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belles à sienne. Et je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belles à sienne. Des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belles à sienne. Et je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belles à sienne. Changer la monnaie. On devra encore imprimer. Support for KFAI comes from The Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin or at efetus.com. Alors, tu veux que j'annonce maintenant? Il faut dire ce qui s'est passé avec les trois qu'on vient de jouer. OK. We just heard three interesting numbers. Merci Fred d'avoir apporté ça. There was Daniel Lanois with Jolie Louise, Pretty Louise, In Your Honor, Louise. Merci. And then here's a different aspect here, a Louise Attack. And crazy name of a group. Uh-oh. And they sang Les Nuits Parisiennes. And finally, Noir Désir, a group, sang for you Un Jour en France. A little bit about them. Can you tell us, Fred, about the group Noir Désir? The band was like very, very popular in the late 90s. Very. And they were one of the best rock band. And they got founded in Bordeaux, south of France, where it's kind of unusual because a lot of the bands in France are often gravitating around Paris. And so, they got very, very popular and progressively more and more. And sadly, what ended the band was the fact that the lead singer, Bertrand Cantat, was at the time dating Marie Trintignant, and he joined her into a shoot of a movie in I think it was in Lithuania. I mean, it was in Eastern Europe somewhere, and, like Romania. And they had a fight, and Marie Trintignant ended up losing her life in this fight. I mean, she fell, and he acknowledged later he killed her. Yeah, yes. He acknowledged that he had pushed her or hit her. I mean, I'm not sure about the details, but I think I remember that now. It's coming back to me. He spent quite a few years in jail over there, and then I think after that he got transferred in France, and he's back out now. But and I do believe they have a new band now. I don't know how many of the original with Cantat or no. Wait, yeah. He's Cantat. Back. Yeah, he's Cantat, back. Cantat, the guy that was involved with. Yeah, he got out. Mm-hmm. So he's back on playing. It's not the same band, but some of the same people are in it. So. Do they call themselves Noël Désir? No, I think they have another name. I'll need to find it. But it was interesting. They were pretty. Especially Bertrand Cantat was. That intense. Was quite a shocking thing. In his songs and lyrics. And I guess he was also pretty impulsive. And is Trintignant the actor? Is he still around? And he's old now, isn't he? Yeah. Jean-Louis Trintignant. Yeah. The audience might remember him as the star of Un Homme et une Femme. Oh, he was wonderful in that movie. Oh, that was a great movie. A couple of years ago, there was a movie called L'Amour. Oh, with and him? With him, yeah. Uh-huh. So, I mean, I haven't heard that he passed away, but I'm not always on top of the news. Well, now he must be kind of old enough to. Yeah. But he was a great, great actor. Oh, he was a wonderful actor. I don't know for sure if it was the movie or him, but the movie, I think, got some awards because of the acting and the topic and the fact that, he was a. Oh, the last movie The last movie called L'Amour. I read about it. Mm. He was taking care of his sick I guess wife. We don't get all the movies here, do we? Huh? Not we get all quite, them. Quite a some, few. Sometimes we do, but... I'm always hopeful that we get the best ones. And we avoid nave. Nave. How do you say nave in English? Turnip. Turkey. Turnip. Don't we say turkey? Well, literally, a nave is a turpit. A turnip. Yeah, but in American slang, when we talk about a movie that flopped, we call it a turkey? No? Yes. What do we call it? Huh? Well, for cars, it's a lemon, if you have a lemon. It's a lemon. But a movie, I think, is a... I'm not sure now. Flop. Not a flop. Turkey? A flop. I think a flop is like a commercial. a movie could be a flop because it didn't succeed commercially. That doesn't... I mean, sometimes it could still be a good movie. Yeah, but I think I've read about the Rotten Tomatoes too, and the awards for the bad movies. But what is the award called? The Rotten Tomatoes. They give awards of for bad movies or bad actors. Bad or, movies and bad actors. Yeah, it's. Oh yeah. The tomatoes? Oh, no, I forgot. Rotten tomatoes. Walton tomatoes? Rotten, like all of a sudden, I don't remember. Oh, rotten tomatoes. Rotten. Rotten, yeah, rotten tomatoes. Oh, well, that's... from the get-go, rotten. Excuse our French accents, which might be sometimes a little bit... But in charming anyway, right? Yeah, and they think we're charming because of our French accent, don't they, Fred? I think so. And I can say pardon my French without having to swear. So. Well, that's all right. As long as they understand us. Yeah, that's true. You know, if they don't understand us, then it's irritating. But we... Well, I don't know how Navi became a bad... It's rotten. Bad movies. How a turnip. Ok, alors on continue. Je vais annoncer Carla. Oui, Carla. On va écouter Carla Bruni. Elle va nous chanter deux chansons. La première, c'est Chez Keith et Anita. Et la deuxième chanson, c'est Prière. Et je dois rappeler à nos auditeurs qu'elle est la femme de Monsieur l'ancien président Sarkozy. Voilà. Moi, j'aime bien Carla. J'aime bien son style. De, sa voix est très douce, hein, tu ne trouves pas? Elle a une belle voix. Elle a une voix très douce, très... vient d'un nouvel... Un nouvel album. Oui. Ah bon? Alors, elle chante encore, elle est encore... Bien sûr, ça vient de sortir, cet album. Elle est belle, hein? C'est Little French Songs. Oh, Little French Songs. Oui, elle est italienne, tu sais. Oui, elle est italienne, oui. Avec cet album, elle chante Douce France en français. Oh, c'est ma chanson préférée. Mais c'est en italien. En italien. Oh, tu l'as jouée la dernière fois, je crois. Oui. Oh, alors, moi, c'est une chanson qui me fait pleurer. Douce pas de Charles Trenet. Oui. Oh. Allons écouter Carla Bruni. Voilà. OK. Dans les bagnoles, au Batignolles, à Istanbul, avenue du Roule, sur un atoll, ou dans la foule, on est là où l'on peut. À Notre-Dame, au bord du drame, à Macao, à Birmingham, dans un bistrot, ou sous un tram, on est là où l'on peut. Mais moi je ne suis pas là, non. Si j'ai quitté Anita, c'est le petit matin. Je n'ai pas couché ma foi. Quelqu'un se roule un joint. Oh non merci, je ne fume pas. Quelqu'un joue du Chopin. On est chez Keith et Anita. Quelqu'un joue du Chopin. On est chez Keith et Anita, ouais. Dans une poubelle, le nez au ciel, dans un tunnel, mis sous tutelle, dans un hôtel, au Sofitel, à Singapour, à Bruxelles, au petit jour, au grand carrefour, on est là où l'on peut. Dans son berceau, sous son chapeau, à Zanzibar ou à Bordeaux, dans son cauchemar, seul au tableau, dans un plumard, dans son tombeau, dans le brouillard, ou au fil de l'eau, on est là où l'on peut. Mais moi je ne suis pas là, non, je suis chez Keith et Anita, c'est la fin de l'été. Mais il fait encore doux, ma foi. Quelqu'un boit du rosé et quelqu'un joue l'harmonica. Qu'il fait bon d'exister ici chez Keith et Anita. Qu'il fait bon d'exister ici chez Keith et Anita. En politique, en place publique, à l'aventure, dans l'Antarctique, à l'âge tendre, au canonique, au bord du Gange, à Dubrovnik, sous les louanges, couvert de franges, on est là où l'on peut. Au fond du trou, à l'aube blême, au rendez-vous, à la traîne, à Malibu, à Valenciennes, à Katmandou, à Saint-Étienne, sous les verrous, voilà Madeleine, on est là où l'on peut. Mais moi je ne suis pas là, non, je suis chez Keith et Anita. Ici tout est tranquille, il n'y a pas l'ombre d'un fracas, mais rien ne s'en va vanille, tout de velours et de soie, comme la vie scintille. Ici chez Keith et Anita, comme la vie scintille. si Chiquita è Anita. Chiquita è Anita. C'était l'été 70, je ne savais rien de tout ça. Et pourtant je vivais Chiquita. Chiquita è Anita. Chiquita è Anita. C'était l'été 70, j'étais à peine née ma foi. Pourtant je vivais Chiquita. La nuit et que mon cœur se serre au nom de l'infini et que tombe en poussière les sagesses de midi quand il n'y a plus rien à croire ou arriver par ici, moi je prie. Je prie sans Dieu, sans foi, sans paradis, sans croix, pour le son d'une voix. Autant de chagrin à la barbe du destin. Comme d'autres cris, je prie pour. Je prie sans Dieu, sans foi, comme elle est hors la loi, sans Christ et sans Bouddha. Au creux du tourment, dans l'œil de l'ouragan, comme d'autres fuient, moi je prie. Quand au fond de ma poche je sens le trou de l'âge, comme la vie s'effiloche, comme elle nous endommage et comme elle nous arrache tendresse et paysages et souvenirs aussi, moi je prie. Je prie sans Dieu, sans foi, sans paradis, sans croix, sans Christ et sans Allah. Au creux du tourment, dans l'œil de l'ouragan, comme d'autres fuient, moi je prie. Quand bien même je saurais la raison d'un poème ou la cause d'un effet, la clé du théorème, quand bien même je voudrais avoir l'air d'une souveraine à genoux chaque nuit, moi je prie. Je prie sans Dieu, sans foi, sans paradis, sans croix, pour le son de ma voix. Autant du chagrin à la barre du destin, comme d'autres cris, je prie. Je prie sans Dieu, sans foi, comme elle est hors la loi, sans Christ et sans Bouddha. Au creux du tourment, dans l'œil de l'ouragan, comme d'autres fuient, moi je prie. C'était joli, hein? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, ça, c'est une belle chanson, Prière. Oui, c'était... Oh, mm-hmm. Moi, j'aime beaucoup, oui. Tell us what the two were, Louise. Hein? Tell us about the English of that. You equally speak English as well. It, when she said she'd, you know, in the worst turmoils at times, you know, she, I just pray and I don't know Jesus, no Buddha. No, you don't need, you know, when you pray, when you need to pray, it's kind of your heart, your soul, just, you don't need words, you know. Mm-hmm. That's a beautiful song. Does she write her own songs? I was just going to check. Many she does, oh. Yes. Yeah, I think she writes. some of them. Mm-hmm. That thing, don't you think that's a beautiful song? I thought it was beautiful. Lovely. Yeah. Very lovely. And she, Keith Anita, that was kind of a cute... Yeah, huh? she's very good at switching from some songs that are kind of deep and profound to something much lighter and very like she comes uplifting. Across she comes across as sensitive, doesn't she? Yeah, I think she is. In fact, her face, I think she has a very sweet, sensitive face. Or maybe I'm, you know. Don't go by me. I have ideas sometimes that are not necessarily other people. I agree with that. And what was that first one she sang? She Keith and Anita. At Keith and Anita's, probably friends. Yeah. Mm-hmm. See, smokers. You know, in France now, in France they like American names. Keith is a very American name. Yeah. In my day, you know, you sound the old fogey me. the names were never American names. Now American names are in style. Yeah. Keith Jason. What do they have? Oh, you know. Yeah. Well, what was funny is like my brother had a nephew, and they named him Enzo, and Enzo is very Italian. So I think it's very much by, you know, fashion and wave, and you know, sometimes it's American. You know, you probably know that for years and years, it was a law from the French government that even if you were not Catholic, you had to give a baby the name of a saint of the Catholic calendar. You can't. Now that, of course, they don't. Like. That law was eliminated long ago, but that's why people did that choose. Like, if I had been born on the 13th of December, my mother always told me she would have named me Lucy, because that day is Saint Lucy. So, she wrote all of these. I'm just reading on the But end. Then, since I was born a day later, she named me Louise after her mother. So, anyway, but now that doesn't exist. So now they love American names, don't they? It's possible I've been a little bit out of the loop. Yeah, you too. Frédéric has always been a good French name, though. Yeah. Frédéric. Yeah. People here have been a little bit surprised to see me because... in the U.S., I often go by Fred, and so when they see me, they sometimes say like, "Oh, you don't look like a Fred." And it's an old name. It was very popular, like for all the folks. Was it for a while? In France, we had a revival for Frédéric, of Fred, or Freddy, in the 70s. So. Hmm. Well, that happens here, too. Oh, that reminds me, if I may say something kind of funny. My friend Martin Paris told me that she read or heard on the radio, on TV or something, that in 2015, the most popular name given to baby girls was Louise. C'est bien. How about that? No. My name has never been real in, but it's never been... old-fashioned either. Mm-hmm. You know. I met someone one day, and her baby was named Ulysses. Now, that surprised me. What is her baby name? Ulysses. Oh, it's a boy then. Yes. Oh, well, yeah. Oh. Yeah, that seems unusual. Then. Yeah. Oh, they'll do anything. I prefer Ulysses than Homer. Because Homer? Well, that's very old fashioned. Well, it is very old because he's the one who wrote the story of Ulysses. But since The Simpsons, you know, Homer is a little bit different. So. Homer sounds very old fashioned Scandinavian here, doesn't it? Yes. Yeah. We have an announcement here. Oh, hello. An annonce. Underwriting on KFAI is supported by First Avenue, presenting Flock of Dimes with special guest, Your Friend, at the 7th Street entrance on Tuesday, October 25th. Audience members must be 18 years or older, and the doors open at 7 p.m., while the showtime is at 8:30 p.m. More information at firstavenue.com. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux annoncer que j'annonce Jean Ferrat?

tu sais, qui marie cerises et grenades aux cent fleurs du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme aubade, les lèvres s'épanouissent. Camarade, camarade, c'est un nom terrible, camarade, c'est un nom terrible à dire. Quand le temps d'une mascarade, il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade? Que venez-vous faire ici? Ce fut à 5 heures dans Prague que le mois d'août s'obscurcit. Camarade, camarade, c'est un joli nom, camarade, c'est un joli nom, tu sais, dans mon cœur battant la chamade, pour qu'il revive à jamais. Se marie cerise et grenade aux cent fleurs du mois de mai. It's a time to tell you that you are listening to KFAI. Community, Fresh Air Community Radio, 90.3 FM in Minneapolis, and 106.7 FM, St. Paul, Radio Without Frontières. Vous écoutez KFAI, 90.3 à Minneapolis, 106.7 à St. Paul, et sur kfai.org. Et vous écoutez Bonjour Minnesota, avec Carrie. Et Frédéric. Et, merci bien, Fred. Moi, de rien. Louise nous avait rejoint et maintenant elle nous a quittés. Elle est rentrée chez elle. Voilà. Donc elle... Peut-être on aura l'occasion de l'inviter encore une fois. Oh, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Elle voulait rentrer parce qu'il est 9h chez nous. Il est 9h02. 9h02 et ben, 21h02, mm-hmm. Pour être précise. Et en France, je crois que quoi, c'est 4h du matin. 4h du matin. Ouais. On va bientôt changer de l'heure de l'été ici. Ouais, mais c'est la date exacte. Oui, je viens de le regarder. En fait, en France, ils vont changer le 29 octobre. Ah. Et aux États-Unis, ici, on va changer le 6 novembre. Donc, entre le between October 29th and November 6th, we'll be 6 hours apart with Paris instead of 7. So that's going to be nice. Well, right now everybody in France is, well, most of them anyway, are asleep. Yes. Except for the night owls in Paris. Yeah. Ou les gens qui se réveillent de bonne heure, comme les boulangers. No. No, that's right. They have to do their work at night. Mm-hmm. And who else? Who else? Taxi drivers, I suppose. Yeah, some of them. The subway, I found out to my misfortune, stops at what, 1 a.m.? Yeah, I think midnight was the time, and it might have changed, but I think midnight was the time they were leaving the edge of the end of the line, or the beginning of the line. Did they change that now? Or I do not know for sure. The so subway is at 1? So, I mean, by the time they leave at midnight from one end, it's close to 1 o'clock when they get to the other end of the line. And when I was in Paris at the time, there was also a Noctambus. Yeah, it's a night bus. Yeah, it was a night owl, the owl bus. Every hour couldn't. Yeah, miss it. I did at times. I don't drive in Minnesota. I never drove when I was in Paris. Oh, no, it's crazy. Yeah, but I never learned. So yeah. I had no choices but using the metro. Yes, so. I did too. No, I never. I drove outside of Paris, but when I was traveling around. Yeah, no, I learned to drive in Minnesota. So if I'm a bad driver, I can't blame it on Paris. I remember driving once around Besançon, and the only kind of car, which is normal in France, I could get was a stick shift. Mm-hmm. And I kind of, my skills were rather rusty in it. I was looking around at all the beautiful sights. There were some low mountains in that area, and I pulled up to this edge of this mountain, and then when I tried to start, I stopped the car, and when I tried to start it, it stalled. Once more jumped on the, oh my gosh, I'm going to go over. Yeah, that can be fun. What do we have maintenant? On va changer cette liste-là. Oui. Donc, cette liste, pour les chansons à venir sur cette liste, il y a Serge Gainsbourg. La chanson, c'est « En relisant ta lettre ». J'aime beaucoup cette chanson parce qu'elle est très... elle est très futée. Elle est très... il est très... witty dans cette chanson. De qui? Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Gainsbourg. Oui, Gainsbourg. J'ai mal dit? Non. Bourg. Yeah. Ouais, ouais. En disant ça, je ne connais pas. Ok. Et puis après, il y aura Thérion, Poupée de cire, poupée de son. C'est une chanson qui, d'origine, a été écrite par Serge Gainsbourg pour France Gall, avec qui elle a gagné le prix de l'Eurovision. Mais Thérion en a fait une version un peu différente, un peu plus rock et un peu plus décapante. D'accord. Décadent. Décapante. C'est vrai qu'il y a de la décadence. Et la dernière chanson, c'est de Eric John Kaiser. C'est Journée couleur de pluie. Allons-y. En lisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. Ce toi que j'aime ne prend qu'un M par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur lui, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule, c'était si bien. Tout ça m'affecte, ça c'est correct, au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, avec la vie, comme ça s'écrit, j'en finirai. Pour me garder, ne prends qu'un dé. Tant de rancune, t'as pas de cœur, y a pas d'erreur, là y en a une. J'en mourirai, n'est pas français, ne comprends-tu pas? Ça sera ta faute, ça sera ta faute, là y en a pas. Moi je te signale que Gardénal ne prend pas deux. Mais n'en prends qu'un, caché au moins, n'en prends pas deux. Ça te calmera, et tu verras, tout retombe à l'eau. Le cafard, les pleurs, les peines de cœur, aux œufs dans l'eau. Oh, can we go? sortant du lit, elle m'a dit: je veux un rouge à lèvres, couleur pluie. Pour effacer tous les baisers. Ce que tu n'as jamais conquis. Le soir entre les plis de mon oreiller. Puis sur les coups de midi, à côté du café froid, elle m'a dit: je veux un rimmel couleur pluie. Pour cacher sous mes yeux les rivières. Traverser dans la nuit. Quand tu sombrais dans tes sommeils de pierre. Et moi qui pensais que c'était une de ces lubies. Je lui dis de se griffonner de gris. Serait bien tout aussi jolie si elle se griffonnait de gris. Si elle se griffonnait de gris. je suis assis, la tête en arrière. Les deux mains à plat sur mes paupières. Dans le noir, sans couleur, sans lumière. J'ai senti la pluie couler sur ma vie. J'ai senti la pluie couler sur ma vie. J'ai senti la pluie. We heard various songs. So the first one was from Serge Gainsbourg, En relisant ta lettre, which means like when I'm reading your letter again, and he's getting a letter from a woman who's like kind of very sad, and he's doing nothing better but just correcting his typos and his spelling. And so The letter was from the girl? Yeah, that's my understanding. I mean, it's a sad letter where she's in love with him and she's, you know, she's kind of pleading and he's like correcting the typos and thinking like, oh, okay. How do you spell this? Yeah, I'm reading the letter, but really I'm paying more attention to all the mistakes that you've made. The one after that was Therion, which is Greek for beast. And it's a band that's doing some covers in like rock. And the song was Poupée de cire, Poupée de son. It was a song that was first sung by France Gall in 1965, written by Serge Gainsbourg. And she won the Eurovision competition in that year with that song. So you wouldn't know it was the same song because the original one was kind of a bubblegum pop. A very bubblegum pop. So they kind of did something very different. And then the last song was Eric John Kaiser, Journée couleur de pluie, which is a sad one too, because he's talking about a relationship where she's unsatisfied and not very happy, and he doesn't really take her too seriously, but he doesn't really realize it at the time. Eric John Kaiser is from Paris originally, but same as me, he found a woman to get him here in the US, I mean, but he's now in Portland, and he's playing music, and he has several CDs. He just recorded recently a CD from in Quebec, in Gaspésie. Oh. So it just came out. I got it in the mail yesterday. That was fantastic. I think hopefully I'll be able to put some videos on the Facebook page. He has a nice voice. I hope he makes it. Yeah. It's he's very self-sufficient, very independent. You know, he used a crowdfunding to be able to finance his album. Oh, really? And yeah, I think that's pretty great. We have an announcement here. KFAI proudly sponsors Dust Bowl Revival at the Cedar Cultural Center on Friday, October 21st. They merge old-school bluegrass, gospel, jug band, swamp blues, and the hot swing of the 1930s into a spicy roots cocktail. I've been doubted, pushed around, I've been splashed on the ground. You can still hear the sound of me crying out. Miles Nielsen and the Rusted Hearts open. More information is available on the events calendar at thecedar.org. Well, thanks so much to all of our listeners who pledged for the pledge drive recently, and especially those who pledged here on Bonjour, Minnesota. There will be the drawing. We have a drawing coming up, but we're waiting for the final list with all of the people who entered, both those who entered on computer and those who entered by calling directly. We had the names of all the people that called in, but we did not know how many had used the computer to call in. But it will happen. Well, the prize is wonderful. It's a dinner at Sanctuaire. Yes, it's a great place, Sanctuaire. I love it. I have not been there. I have a couple of times. The Alliance Française did an apéritif for Bastille Day pour le 14 juillet il y a deux ans, peut-être. Oui, il y a deux ans. Donc c'était juste pour prendre un verre. But I went there to eat, and is Patrick Atanasian is very creative in what he does. He's a well-known chef. Patrick Atanasian. He's always changing the menu and doing some very fusion and creative dishes. Mm-hmm. It's not your typical French restaurant or any kind of restaurant. I mean, there's always some nice surprises. Unusual. Yes. Surprising. Well, you will hear soon as we get that information to you. And thank you once again to our listeners who pledged. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous, Fred. Qu'est-ce qu'il y a maintenant pour des chanteurs, les trois chansons? Trois chansons de cette liste? Oui. La prochaine chanson, ça va être de Michel Polnareff. Pardon, j'étais un peu loin du micro. Ça va être La poupée qui fait non. Ensuite, il va y avoir Francis Cabrel avec Le Noceur. Et Calogero, Partir ou rester. Merci. C'est une poupée. pensait dans la pénombre humide. L'homme avait choisi son quartier. Un carillon sonnait pour dire que la nuit se termine. Mais pour un fêtard, il est trop tôt pour entrer. La nuit a été chaude, un alcool en farine légère. Ces gens-là ont tout ce qu'ils veulent. Mais lui, il s'était inventé un jeu supplémentaire. Surtout, surtout, ne jamais rentrer seul. C'est pas un jeu précis, c'est plutôt son envie de plaire. Quelque chose comme passer du bon temps. C'est pour ça qu'il a choisi ce quartier ordinaire, cette fin de nuit parmi les pauvres gens. Lui, c'est un non-seur, un non-seur, un non-seur, un dandy, un rouleur. La première fille qu'il croise, il sait qu'il doit faire vite, alors il lui sourit pour ne pas qu'elle s'inquiète. Une sorte de jazz monte comme il baisse la vitre. Elle n'a même pas tourné la tête. Il reste un bar ouvert où quelques soulards se cramponnent et où la serveuse ne s'étonne de rien. Il laisse la voiture devant, il est sûr que ça l'impressionne. Mais elle a répondu en retirant sa main. Elle a dit non, sir, non, sir. La vie a fait de toi un dandy, un rouleur. T'avances comme au volant d'un cargo, d'un croiseur. J'aime pas comme tu claques tes doigts. Elle a dit non, sœur, non, sœur. T'es tombé du côté des nantis, des menteurs. Dans ta poitrine, j'entends le battement d'un compteur. Faut pas que tu comptes sur moi. On n'a pas la vie facile. Hey, mais on a tout ce qu'il faut. On a rangé les évangiles. Comme la chance qui le quitte, il faut partir avant que tout ne se complique. Dans cette chasse à cours, il y a quand même une limite, celle de rentrer avant que ne s'éteigne l'éclairage public. Il revient vers chez lui, le portail électrique et les allées de gravier entre les massifs de fleurs. De musique, oublier ce que cette fille lui disait tout à l'heure quand elle parlait de nos sœurs, de nos sœurs. Et puis elle a parlé de dandies, de rouleurs et aussi de cargo, de croiseurs, de gens qui claquent des doigts. Elle a dit nos sœurs, nos sœurs. T'es tombé du côté des nantis, des menteurs. Dans ta poitrine, j'entends le battement d'un compteur. Faut pas que tu comptes sur moi. Partir ou rester, quand le départ est donné. Faire comme les autres qui font que s'en aller. Faut-il suivre leur boussole ou rester cloué au sol? Nos vies malgré nous voyagent enracinées. Se faire dépasser, voir s'éloigner l'arrivée, pour n'être pas parti du bon côté. Aller à contre-courant, sans jamais passer devant. Tenir malgré tout, juste pour avancer. Et si on laissait faire? Le temps d'être à sa place, toujours vivant. Et si on se donnait le temps de se voir face à face, tout simplement se laisser faire. Laisser de côté l'envie d'être le premier et regarder les autres se croiser. Mais n'en vouloir à personne d'être sans fleurs ni couronne, car par-dessus tout on cherche à se trouver. Et si on laissait faire? Le temps d'être à sa place, toujours vivant. Et si on se donnait le temps de se voir face à face, tout simplement se laisser faire, sans décider. Partir ou rester, quand le départ est donné. Faire comme les autres qui font que s'en aller. À l'opposé des boussoles, si c'était de même qu'ils volent. So what is the Wave Project? It's a celebration of Frank Zappa, Dungeons, Dragons, Goldfinger. By comparing modern science with ancient Indian Vedic scriptures. As we tackle autism and football. The possibilities are endless. You provide the idea and host your own show. We provide the engineer and promote it during the week leading up to your show. Visit our website at kfai.org/waveproject. For more information and an application to host your own one-hour radio program, The Wave Project. It's anything you want it to be. Programming is supported by Summit Brewing Company, announcing the release of Unchained Series Number 23, Dark Infusion, a milk stout infused with cold-pressed coffee. A sweet stout foundation with robust coffee and roast notes. More information at summitbrewing.com. We just heard a few numbers there. Yeah. Well, who did we hear there, Fred? So we heard Michel Polnareff with La Poupée qui fait non, which is the doll who says no. She's a doll who always says no, no, no. Obviously, he might have been a little bit frustrated about that. But I think so. Yeah. It's an older song, I mean, from his beginning of the career, like in mid-60s. But this one is a live version from... recorded at the Roxy in Los Angeles in 1996, so it's a little bit more punchy. A curious story about Michel Polnareff. At the peak of his career in France, he was just wildly popular, great career. He left. Now, did you know why? I read somewhere that he had an accountant that was dishonest, and he had all kinds of problems, money problems. I've heard that he had some problem with Le Fisc, or the equivalent of the IRS. I don't know if it was because of someone dishonest or not. I know that a lot of people in show business, especially in France, don't always manage their wealth the way they should. But so sometimes they get in trouble. But yeah, I mean, it's a period I just read that he was kind of depressed and things like that. So it was very... He got very attracted by the U.S. and the advent of electronic music and, you know, the keyboards and that sort of thing. So well, he was 37 years away from France. Yeah. But now he's returned. Yeah, he has. I mean, like, and he got a new CD, a new album, like, in 2016 and started touring again, in France and Belgium and Switzerland. So that's good. Did the public accept him? I think if he keeps touring, yes. Oh, wonderful. Yeah, I think... As if he never had been gone. He was huge. He was big. Outstanding. Who else did we hear? After that, we heard Francis Cabrel with Le Noceur. Comes from La Noce. La Noce du mariage, like when we do a party and it's about, you know, someone who's partying a little bit too much, kind of like a professional partier. Party boy. Yeah, party boy. But like, you know... Party girl? Yeah, not in a very positive sense. I mean, because he's kind of like, you know, used to it. And there's a little bit of a disillusion in that term. It's not like super fun and bubbly as one could think. Not in English either. No. A party girl especially is not... It could be derogatory. And after that, we heard... Caraguero with Partir ou Rester, I mean, stay or leave, and I think it's a constant. We'll often have this kind of conflict, whether we want to stay or leave. Well, here's a couple of things that are happening in the Twin Cities. News from the Alliance Française, Réunion des Directeurs et Fédération Alliance Française, the annual meeting is coming to Minneapolis for directors of all over, and they are really putting out the red carpet for them. It will start on October 20th, and there are some events that the public will be invited to. There will be a réception de bienvenue Thursday, October 20th, from 6 to 8 at Audrey's Vault in the Hotel Minneapolis. There is a charge. If you want to know that charge, you can call us here. Our number here is 612-341-0980. Other things going on? Oh, there will be a luncheon, Prix Charbonnier luncheon, with the award presentation to Hubert Joly, the CEO of Best Buy, on Friday, October 21st at 12 p.m. at Windows on Minnesota IDS Center. That, too, is paying, and I have those numbers, but we aren't too... say those over the air here. Just they are also on the Alliance Française's website. Oh, is it? Yeah, and if people want to RSVP, they can. They can RSVP to the Alliance? Yeah, I mean, if they go on the website, they can look at the event page and pick the event and see not only the price, but also RSVP and pay online if they wish. Oh, well, that's handy. It is. And also, here's something coming up for the Jeune Cadre Dynamique. These are, younger crowd, active people. It will be at the North Loop Wine and Spirits, and it is Dégustation des Vins et du Fromage. So that should be just great. It's the, they're having a festival à la carte, it's called, organized by the Consulat de Chicago, and their club will invite you for a tasting party of French wine and cheese. So, French wine, but Midwest cheese. Yes. Which may be delicious, too. Yes, I think most of the good cheese are coming from the Midwest. Oh, I had a pretty good Chèvre, an American Chèvre. Wasn't that bad? Yeah. The Camembert from Wisconsin is not bad. I tried one from Michigan as well. That was very decent. Oh. Most of them are trop jeune. Yeah. I think it's a health concern. I think they don't really like when it's like too runny and smelly. The health department is probably getting a little bit too suspicious about it. Well, French housewives, when they're looking for a Camembert, they open the can, and of course there's protective coating and paper over it, and they squeeze it to make sure the soft ones are the riper ones. Yes. And they're the ones that get a little stinky sometimes. They can be. We used to laugh with our French friends about, this was many, many years ago, but we're talking about defenses in the country, and we would say, well, France always has a Camembert. Yes. Shoot them at the enemy. I could repeal some enemies. Yes. Other things coming up? Oh, there's something here about Manu Galliou. I met Manu. He was formerly at Vincent, a restaurant, for 7 years. He's from Toulouse. He is staying in the North Loop area. And he is currently developing his passions, travel and community outreach, by opening his own travel agency called MG Travels and nonprofit organization Green Stick Army. They're telling about here, too, the 2016 A la Carte French Food Festival, a celebration of contemporary French food, wine, and art of living. I think a lot of the trips, he organized some trips with, like, wine tasting. Oh, Manu? Yeah. Uh-huh. I'd never heard that name before. Well, that's for the directors that will be here. And also, there's a nice new exhibit of photos at the Alliance Française in their Grand Salle. And it shows the winners of the contest that they held this year called Objectif Sport. And several pictures on sports. That's La Grande Salle is always a very nice setting to display yes. photographs. Well, here they're showing on this information from the Alliance. The wine vault looks quite elegant. I've never been there. Have you, Fred? It's in Hotel Minneapolis. That doesn't ring a bell, but not sometimes they change names. And there will be, this is all for the incoming directors of the Alliance, but there are many things the public is invited to. There will be a closing reception the 22nd at the Alliance from 6 to 7:30. And the Alliance Française will host that. Now, I'd have an announcement of the upcoming movie for the Ciné Club, but it's not here. Do you happen to know what that would be? I don't. Okay. Sorry about that. It's okay. I have a quick announcement that's not related to the Alliance, but I mean, I posted it online. But this coming Friday, Friday night, at the Skyway Theater, there's a French band, which you wouldn't necessarily know about because they sing in English a little bit. And it's a little bit like Daft Punk, electronic music. And what's their name? Were they here last It's year? M83. M83. And they are going to be at the Skyway Theater on Friday night. In Minneapolis. In Minneapolis. And it's a great occasion to go listen to them. Their latest album is a little bit more pop and, you know, a little bit like kind of dancey, like Daft Punk. The ones they had done before were a little bit more instrumental. They've been greatly inspired by the pioneer musician, Jean-Michel Jarre, who was They had a collaboration with him, too. Is he still playing lately? He's still around. Wonderful. I don't know that he's still playing. I think he's doing a lot more behind the scene. Like in producing and helping people and things like that. But so if you have the opportunity to go to the Skyway Theater and listen to M83, yeah, pretty great. Another announcement from the Alliance. On the 20th at 6 to 8, there will be a class at the Alliance Française called Only in Lyon. And that's November 17th. Lyon, as you may or may not know, is famous for its food. Of course, in France, there's many places famous for their food. Everybody claims it. Yeah. That's true. Last year, we missed the concert of Stromae. I believe he was ill at that time. But do not worry, because the Alliance Française has you covered. They are announcing that they have a special permission to host a screening of his magical performance in Montreal. And that will be November 4th, 7 to 9:30 p.m. at the Alliance. That should be fun. It should be a lot of fun. I think you're going to push the tables and that's going to be the concert. Tell your friends, tickets need to be purchased in advance online or by calling the Alliance Française at 612-332-0436. There is an admission charge. And one final announcement is about from the French American Heritage Foundation. They're having an event coming up on the feast of All Saints Day, November 1st, 1841. A small log chapel was dedicated on the bluff overlooking the Mississippi River. There were very few French Canadian families living in this area at the time, but little did they know that this little chapel would become a cathedral, a school, a hospital, and would be the inspiration beginning of a city that would adopt its name and become the capital of the state of Minnesota. And aren't we glad that it's St. Paul? There was some thought originally to name it after a Frenchman who had a little store on the Mississippi called Pig's Eye Perrant. Mm-hmm. And I'm very glad I don't live next door to Pig's Eye. Yeah, I'm glad too. So when I go to St. Paul Public Library and I see that, you know, there's all the greetings in different languages and French is not there. Oh. I'm just calling, instead of the St. Paul Public Library, I'm calling it the Pig Eye Public Library. Back to this French American Heritage Foundation event. That will be held Tuesday, November 1st from 6 to 9 p.m. at the Minnesota History Center, 345 Kellogg Boulevard in St. Paul. There will be a speaker. Mary Lethard Wingard is a professor of history at St. Cloud State, and she is the author of North Country, The Making of Minnesota, and Claiming the City, Politics, Faith, and the Power of Place in St. Paul. The sponsoring organization is nonprofit, and they've become quite active. You need to sign up, and there is a charge. The deadline is October 25th. My. You have their on-site walk-in is available, but on a first-come, first-served basis. So online, this is the address, www.fahf, MINN.org. So that stands for Franco-American Heritage Foundation, and then MIN. And that's it. Let's get back to some of our music. Huh? Qui est-ce qu'on a? Est-ce qu'on continue sur la même liste? Oui. Oh là là, il y a très peu de temps. OK. Je dois faire une annonce. Vas-y, vas-y. Allons-y. Support for KFAI comes from the Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. Well, I won't back down. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin, or at efetus.com. Bouge de là. MC Solar, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est le titre? Bouge de là. Bouge là. Bouge de là. Là. Là. Yeah. Move from here. C'est quel numéro? C'est le numéro 10 sur le CD. Alors. Au revoir à tout le monde et merci d'avoir écouté. Au revoir, Fred. Oh, à bientôt. À bientôt. Là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit MC Solar, viens là que je te donne du réconfort. J'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Je continue mon trajet, j'arrive vers la gare de Lyon. Quand je vois un gars qui se dit vraiment très fort comme un lion, il me dit Claude MC, est-ce que tu veux qu'on se porte? Ses hématomes étaient plus gros que les seins de Samantha Fox. Il m'a fait bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge, bouge de là. Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre. Elle me dit Claude MC, est-ce que tu peux descendre? J'ai pris mon magnum, j'ai du mal comprendre. Elle m'a fait bouge de là. Bouge, bouge de là. Elle est chez Lucie, qui aime les chiens, les chats et 30 millions d'amis. Elle me dit t'aimes les animaux, toi mon super MC. J'ai dit oui j'adore, avec du sel et bien cuit. Elle m'a fait bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là. Plus tard dans le métro y a un char clos qui traîne. Il me raconte toute sa vie, il me dit qu'il vient de Rennes. Ensuite il me dit qu'il pue, qu'il faudrait qu'il se baigne. Jette-toi dans les coups, t'arrives direct dans la scène. Il m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge, bouge de là. Je continue mon trajet, j'arrive sur le boulevard Barbès. Quand je vois un de mes amis qui venait de Marrakech, il me dit Arwa, Arwa, je t'achète tes rap en dinars. J'ai dit non, je veux des dollars car on m'appelle Solar. Il m'a fait bouge de là. Bouge, bouge de là. De là. Bouge, bouge de là. Alors j'ai bougé, j'ai dû m'en aller, partir bifurquer, j'ai dû m'évader, j'ai dû m'enfuir, j'ai dû partir, j'ai dû m'éclipser, j'ai dû me camoufler, j'ai dû disparaître. Pourrait apparaître. Oh, bouge de là. Bouge de là. voix et